Avant toute chose, je vais expliquer le concept de ce podcast. Et cela dit, je vais pas appeler ça une balado pour la simple raison que podcast, à mon avis, devrait être un mot universel. Pour ceux qui me connaissent déjà, merci d'avoir eu l'audace de cliquer sur quelque chose de complètement nouveau, sans savoir qui j'étais, continuer à vivre dangereusement. Je suis un journaliste qui, à cause de mes études et des institutions anglophones, m'ont fait écrire, parler et poser des questions plus souvent en anglais que dans ma langue maternelle, le français. Famille, amis et personnes qui me lisent dans The Link Newspaper où je suis éditeur, ou même ceux qui m'écoutent sur mon podcast anglo, Pressbox Hattrick, thanks guys. Certains me demandent « Pourquoi tu fais rien en français? » Aujourd'hui, je change ça. À la demande semi-générale, voici « En français, s'il vous plaît ». En français, s'il vous plaît, c'est des entrevues avec des gens du domaine sportif en français. Pourquoi? Parce que le podcast pogne pas assez au Québec et la seule façon de changer ça, c'est d'en faire plus. Prenez ça comme ma contribution. Bon, trêve d'introduction, commençons avec une anecdote. Vendredi le 9 décembre 2016, j'étais invité au centre Nutrilait, le centre d'entraînement de l'Impact de Montréal, pour une conférence de presse. Les rumeurs sur l'avenir du FC Montréal, la filiale USL de l'Impact de Montréal, coulaient comme un robinet ouvert. Et par ce froid vendredi d'hiver, Joey Saputo et Adam Braz attendaient les journalistes pour un post-mortem et pour signer l'arrêt de mort du FC Montréal. Pendant ce temps, je contactais certains joueurs du FC pour avoir ce qu'ils avaient à dire. Un m'a dit d'attendre un peu et quelques semaines après avoir signé son contrat avec les Switchbacks de Colorado Springs dans cette même USL, ça aurait été plus vite si j'avais pas eu une extinction de voix. Donc, pour l'épisode 1, voici l'ex-milieu de terrain du FC Montréal en route vers le Colorado Springs Switchbacks FC, Mastanabal Kacher. Donc, Masta, en fait, on va commencer avec le positif de la chose. Félicitations pour le nouveau contrat avec les Switchbacks de Colorado Springs. Comment est-ce que tu te sens avec ce nouveau contrat en poche? Ben, je suis vraiment excité. J'ai très, très, très hâte de commencer. Ça a été une période pas facile, mais j'ai très hâte de commencer. Travailler ici avec eux, ça va être une très bonne expérience. Donc, ouais, j'ai très hâte. Est-ce que c'était important pour toi de rester en USL? Ouais, pour moi, c'est très important. C'est sûr que j'essaie d'être réaliste parce que pour avoir une bonne carrière et pas avoir sur les épaules, je savais que je ne pouvais pas me trouver un club USL, MLS, pardon. Je savais que ça allait être très difficile de trouver un club MLS vu que j'avais juste fait deux saisons en USL et que je commençais à faire mes premiers pas. Donc pour moi, c'est vraiment important d'essayer de prendre une bonne équipe, une très bonne équipe USL où je vais pouvoir faire ma marque et justement nous montrer encore plus pour la MLS, qui est mon grand objectif. Donc, si on peut retourner du côté de Montréal un peu, tu as dit à la presse aujourd'hui que c'était un agent qui t'avait appris que le FC Montréal allait mourir. Est-ce que vous doutiez vraiment de rien autour du club ou autour de l'équipe du FC, c'est-à-dire? Comme je l'ai dit, il y avait des doutes parce que pendant un moment, il y avait des rumeurs qui sont sorties. Mais à un moment donné, du coup, je vous avais informé qu'il allait avoir une équipe la prochaine année. Donc les doutes, ils commençaient à partir. Mais je parle en personne à moi. J'avais toujours un petit doute, mais je pense que le problème, c'est que les joueurs ont pris beaucoup de choses pour acquis. Et malheureusement pour eux, ça n'a pas changé aujourd'hui qu'il y en a qui arrêtent de jouer, il y en a qui arrêtent de jouer au foot, il y en a qui ont abandonné, puis il y en a qui ont. Et finalement, après cette période-là, comment est-ce que vous avez finalement appris que le grand club allait terminer l'histoire du FC Montréal après 2 ans? On a eu une réunion et les coachs nous ont clairement expliqué. Je suis sincère, merci beaucoup Philippe Lafroy parce qu'il a été très franc avec nous. Il a été compréhensible. Donc, on a eu une réunion avec les coachs et ils nous ont informé de la situation, que c'était pour différentes raisons, et puis c'est sorti, comme vous les connaissez, après c'est sorti dans les médias. Est-ce que en fin de compte, tu après tout, est-ce que tu as été déçu de la façon dont le club a géré ça? Est-ce que tu as été déçu de la façon que le club a géré ça à cette façon-là? Mais c'est normal d'être déçu parce que au jour d'aujourd'hui, on a tout. L'impact nous a tout donné. Honnêtement, on n'a jamais manqué de rien. C'est la réalité. Mais nous aussi, on a vraiment été dévoués pour ce club. On a vraiment tout donné. Et je pense que ça aurait pu se terminer d'une autre façon. Une autre gestion, peut-être. On va comprendre s'il y a de quoi, mais juste. Là, je parle à ma personne, mais je parle aussi à mes coéquipiers qui sont battus avec moi sur le terrain toute l'année. Mais quand je pense à eux, c'est triste, vous comprenez. Après, le soccer, je sais que c'est pas toujours beau, puis ça sera jamais, parce que c'est un business. Mais. À 18 ans, 19 ans, je parle pas encore pour moi, je vais juste pas parler de la personne en tant que telle, mais je parle à 19 ans, et les jeunes ont encore besoin d'encadrement parce que c'est des choix de vie qu'ils vont faire qui vont être déterminants, soit pour leur carrière professionnelle ou dans la vie de tous les jours. Donc oui, c'est ça que c'est décevant. Est-ce que le Fury d'Ottawa, est-ce que la décision, à ton avis de personne qui est un joueur de soccer et qui est quelqu'un qui est dans le monde du soccer, est-ce que le Fury d'Ottawa est un pas en avant ou un pas en arrière pour l'impact? Personnellement, je vais être honnête, c'est un pas en arrière, mais j'ai aucune idée de ce qu'est le projet avec Ottawa, vous comprenez, moi j'ai aucune idée, mais comme vous me demandez mon avis, là, c'est un pas en arrière parce que ils m'ont prêté peut-être 3-4 joueurs, alors qu'au FC Montréal, on avait une vingtaine qui venait de Montréal, on n'avait presque aucun joueur qui venait d'ailleurs, vous comprenez. Donc le club réserve était laissé après Ottawa, peut-être qu'il va avoir je parle dans le futur. Dans le futur, ça va peut-être être un pas vers l'avant. Tous les jours que le club va former, ils pourront les envoyer Ottawa, rester là-bas ou continuer leur conversation avec la PAC, mais au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas un arrière. Et comme tu parlais avec Pascal Milano avec la presse, tu faisais référence au modèle qu'il y a en Europe, qu'en gros avoir beaucoup de joueurs, ça donne une opportunité au club de pouvoir vendre certains joueurs. Est-ce que ça, à ton avis, c'est la meilleure façon de faire les choses? Admettons, c'était toi le propriétaire du club. Ses projets, ses ambitions. Mais quand j'ai donné le modèle européen, j'ai pris le meilleur modèle. Mais ce n'est pas le modèle non plus que tout le monde va appliquer à son club. Mais personnellement, oui, parce que si on met de l'argent sur ces jeunes-là, si on met une structure en place et des entraîneurs, ça peut donner des résultats, mais ce n'est pas immédiat. Il faut peut-être 10, 15, 20 ans. On regarde le FC Barcelone, la moitié des joueurs qui ne signent pas dans ce club-là sont vendus, ils ont une bonne carrière ailleurs. Et ils ont. Le club, c'est le club qui les a formés. Mais là, je parle vraiment des meilleurs cas, mais personnellement, oui, parce que ces jeunes-là, après, il ne faut pas penser qu'ils sont perdus et parce qu'ils jouent bien avec le club de formation. Non, parce qu'ils ont réussi ailleurs. Effectivement. L'organisation de l'Impact, quand je leur avais parlé plus tôt cette semaine, m'avait dit qu'ils avaient déjà tout dit par rapport au FC Montréal. Est-ce que, pour toi, personnellement, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais encore savoir? Non, sur ça, ils ont été très clairs à la réunion parce qu'ils on a pu poser toutes les questions qu'on voulait. Donc, c'était sûr que c'est du cas par cas, mais c'est sûr que je pense que. Pour ma part, moi, ça a été dit parce que j'ai posé des questions, ils m'ont répondu. Donc, j'imagine que pour les autres joueurs aussi. Maintenant, vous êtes deux à vous avoir trouvé du boulot avec Marco Dominguez. Il y a aussi Luca Leone qui s'est trouvé un job en tant qu'entraîneur dans la pré-académie. Je trouve que c'est quelque chose de très bien parce qu'il connaît le club. Il connaît le club et il s'entend bien avec les coachs. Je pense que c'est un bon début de carrière pour lui. Et est-ce que pour ceux qui n'ont pas encore de contrat pour l'instant, est-ce qu'il y en a un que tu trouves qui mériterait vraiment un autre club? Je vais être honnête avec vous, il y en a plusieurs. Après, Le talent de chaque est différent, mais je sais qu'il y a un groupe qui a travaillé très fort. Des joueurs comme Alessandro Ricci, Zach Secunda, Philippe Lecourt-Joseph, ce sont tous des joueurs qui mériteraient d'avoir un contrat, c'est sûr. Est-ce que là, tu parlais des universités américaines un peu comme possible destination pour certains des joueurs U18 qui vraisemblablement ne feront pas le saut avec le grand club de l'Impact de Montréal, parce que de la façon que ça se montre, ça va être 6 joueurs et moins de ce qu'on voyait, à moins d'une grande cuvée. Est-ce que pour les joueurs qui étaient avec le FC Montréal, qui étaient avec toi, qui jouaient l'an dernier, est-ce que les universités américaines, ça reste le meilleur chemin? Le meilleur, je ne sais pas, parce que c'est sûr que si tu as une opportunité dans un club pro avec leur académie, c'est quand même le meilleur chemin parce que tu as les plus grandes chances. Mais moi, l'université américaine, je le vois comme une deuxième chance parce que je pense qu'un joueur qui est formé au club n'a pas forcément la même formation qu'un joueur qui est formé dans une université américaine, parce que déjà, le nombre de pratiques, le travail et tout, c'est beaucoup plus sérieux. Et je veux dire, les connaissances des entraîneurs et tout ça en club pro. Mais après, pour moi, les universités américaines, je le vois comme une deuxième chance parce qu'il y a le draft, tu joues beaucoup de matchs aussi durant la saison. Et le draft, c'est vraiment le fonctionnement ici en Amérique du Nord. Donc oui, c'est comme une deuxième chance. Là, il y a cinq joueurs en ce moment qui sont du FC Montréal, qui étaient du FC Montréal, qui sont invités au camp. Il y en avait 6. Marco Dominguez est rendu à Cincinnati. On a Alessandro Ricci, que tu avais déjà parlé. Il y a Aaron Nkugeloi. Il y a Thomas Meyer-Juguère, David Pullman et James Pantemis. Est-ce que ces joueurs-là, tu penses les voir avec un chandail bleu l'année prochaine? Ricci est au camp? Oui. Ben de mes nouvelles à moi, du moins. OK. Je l'espère, ils ont le talent, mais après, comme je l'ai dit, c'est pas juste sur le talent et sur le joueur. Il y a beaucoup de choses qui sont à côté. Est-ce qu'il y a de la place de libre pour eux? Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont en fin de carrière, en fin de contrat? Ça, c'est au club de voir, mais c'est sûr que j'espère fortement pour eux. Toi, quand tu as décidé de rester en USL, est-ce que tu avais décidé d'en profiter du fait que ça faisait 2 ans que tu étais dans cette ligue-là et que en fait, pour le reste de la ligue, tu restes quand on appelle en anglais un rare commodity, que tu es un joueur qui est jeune, mais qui a quand même 1 à 2 années d'expérience dans un circuit professionnel. Est-ce que plusieurs de tes coéquipiers devraient un peu en profiter de ce statut-là? Personnellement, pour ma part, c'était vraiment comme tu l'as dit, vu que je venais d'avoir 21 ans et que j'avais déjà 2 saisons, ben c'est déjà bon. Et les autres coachs aussi étaient très intéressés. Mais c'est aussi le fait que je me suis senti mieux ma deuxième année sur le terrain. Donc je me suis dit, une troisième, une quatrième, ça va vraiment m'aider. Et moi, j'essaie d'avoir, comme je te dis, la tête sur les épaules. Après, pour le choix de carrière, oui, je le conseille à mes coéquipiers. Je conseille fortement de ne pas tout de suite avoir la grosse tête. Si ça marche, tant mieux, mais il faut être réaliste. Et je pense que du jour au lendemain, tu ne signes pas à Arsenal ou en première division en Angleterre. Je veux dire, il ne faut pas brûler les étapes. Et je pense que la meilleure étape et la meilleure solution pour moi, c'était de rester en USL. Pourquoi Colorado Springs? Est-ce que l'environnement là-bas était propice pour ton développement? Est-ce que c'était complètement un changement de scène? Ouais. J'ai eu d'autres offres aussi, à part le Colorado. C'est juste que lorsque j'ai parlé à l'entraîneur, Steve, c'était un échange très compliant pour moi. Il m'a convaincu, disons, parce que sa manière de voir le terrain, le jeu, ça répondait vraiment à mes ambitions, à mes objectifs sur le terrain. Donc oui, j'ai une très bonne équipe aussi. C'est ça qui m'a vraiment poussé à aller de l'avant là-bas. C'est quoi ton objectif pour cette année avec les Switchbacks? Non, dominer sur le terrain, m'imposer et essayer de ramener l'équipe, aider l'équipe vraiment à aller le plus loin possible. Parce que je pense que nous avons un effectif pour aller très loin durant la saison. J'avais parlé à certains des joueurs pour revenir à ça. Ça vient de me frapper l'esprit. Certains des gens ont dit que la Scandinavie était un gros marché pour certains qui cherchaient à se trouver des clubs dans ce coin-là. Toi, est-ce que ça t'intéressait un petit peu? Est-ce que tu préférais rester en Amérique du Nord? Mais vraiment, vraiment, très, très honnêtement, pour l'instant, ma tête est vraiment ici. Parce que je pense que la USL, avec la montée de la USL, de plusieurs clubs en deuxième division aussi, on a vu qu'ils ont eu le statut de deuxième division, je pense que ça va vraiment devenir très intéressant ici. J'avais parlé à Marco Dominguez il y a maintenant 2 semaines. Il m'avait dit, lui, son objectif, c'est d'aller en Europe. Mais il m'avait dit, pourquoi je reste en Amérique du Nord, pourquoi je reste à Cincinnati, c'est parce que, à mon avis, je dois dominer ici, ou dominer chez moi, avant d'aller ailleurs. Est-ce que c'est ton principe à toi aussi? Ben oui, c'est la logique, la suite des choses. Donc, ouais, je vais aller du même avis que lui. C'est sûr que si tu fais une très bonne saison en USL et que tu es appelé avec un club de MLS et que 2-3 ans après tu exploses, ben oui, là, c'est sûr que l'objectif, c'est d'aller en Europe. Mais comme il l'a si bien dit, si, c'est ça un peu le problème des jeunes ici, si les gens n'arrivent pas à dominer en Amérique du Nord, que le niveau est très bon aussi pour y avoir joué et pour avoir vu, mais je pense qu'en Europe, c'est encore plus difficile. Donc, ouais, il faut vraiment plus dominer ici avant de partir. Et quand est-ce que... en fait, j'ai posé la même question à Marco. Je vais te la poser à toi parce que, bon, elle est quand même facile, mais quand même, ça prend un peu de réflexion. Est-ce que tu verrais dans ton avenir, que ce soit rapproché ou plus longtemps à la Patrice Bernier, de revenir à Montréal et de jouer avec l'Impact? Ben oui, je ne dirais pas me fermer les portes. C'est ma ville, c'est ici que j'ai grandi. Oui, c'est sûr. Mais au jour d'aujourd'hui, je vais pas te mentir, ma tête est vraiment ailleurs. Comme j'y pense plus. Ma tête est vraiment ailleurs. Et pour moi, c'est d'aller le plus loin possible dans ma carrière, n'importe où. Vraiment, moi, je vise vraiment je travaille très fort, mais je vise vraiment d'aller le plus loin possible dans ma carrière. Au jour d'aujourd'hui, je suis au Colorado du Switchback, je suis très content. Et ben, je vais tout donner là-bas. Donc, ma tête est vraiment là-bas à 100%. Mais, comme je dis, on sait jamais. Dans ce cas, on sait jamais, on voit ça partout. À la télé ou quoi, on sait que tout peut arriver avec le sac. Donc, déjà, la carrière de Patrice Bernier, très très très belle carrière. Puis regardez comment il a fini chez lui dans le toit. C'est une sorte de modèle, Bernier. C'est quelque chose que même si en ce moment tu dis que tu as la tête ailleurs, ce serait quand même quelque chose que tu détesterais pas? Non. Mais j'y pense pas non plus. Qu'est-ce qui ont l'air les prochaines journées, les prochaines semaines pour toi? Quand est-ce que tu commences à partir au Colorado pour le camp? Je devrais partir au début de la semaine prochaine pour commencer le camp de pré-saison le 15 février, qui va durer environ un mois et demi avant d'entamer le premier match de la saison. Mais écoute, Masta, on est encore en janvier. J'aimerais te souhaiter une bonne année 2017. Bonne chance au Colorado. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci beaucoup à vous. Quelques commentaires après la conversation qu'on vient d'avoir avec Mastana Balkachar. En fait, une correction avant de commencer sur les commentaires. J'avais dit à Masta que Alessandro Reggi était du camp d'entraînement. En fait, non, il était invité au camp d'entraînement. Il n'est pas du camp d'entraînement. On a eu la confirmation dans les dernières secondes, en fait, dans les secondes après que l'entrevue a été enregistrée. Donc, mon erreur là-dessus. Mais quelques commentaires, comme j'avais dit, sur cette conversation. En fait, j'ai eu, quelques jours avant avant l'enregistrement de cette entrevue que j'ai eu cette confirmation que l'Impact de Montréal ne parlera plus du FC Montréal. Ils n'accorderont pas d'entrevue à ce sujet. Donc, est-ce que on va avoir la vraie complète histoire de ce qui s'est passé avec le FC Montréal? Surtout, je pense à des gens qui ont travaillé comme Philippe Lafroy, comme Jack Stern, comme Simon Gatti, qui ont été dans les environs et qui ont probablement eu une expérience qui était complètement différente de ceux des joueurs. Ça, c'est quelque chose qui on ne saura peut-être pas avant des mois, des années, ou peut-être qu'on ne le saura jamais. J'ai l'impression que la seule façon dont on va avoir cette expérience, cette conversation avec ces gens-là, parce que c'en était mon intention, je ne vais pas le cacher, de parler de ça, de ce qui s'était passé avec ces gens-là, mais ça ne sera vraiment, ça vraisemblablement pas le cas. Et comme je disais, la seule vraiment façon d'avoir ça, c'est quand ces gens-là ne feront plus partie de l'Impact de Montréal. Donc, c'est une histoire qu'on va probablement oublier et puis ressortir des boulamites quand les gens concernés seront disponibles pour en parler. Donc, c'est quelque chose qui va probablement prendre du temps. Il va falloir mettre ça sur la glace. Mais je suis très content d'avoir pu avoir cette conversation-là. Même si, à vue de l'article de Pascal Milano et à vue de la réaction que cet article a eu avec les entrevues avec Simon Lemire et Mastana Balcacher que Pascal Milano avait fait, c'est de voir, avec ces réactions-là, c'est de voir que le FC Montréal avait quand même un certain poids. Peut-être qu'il n'y avait pas assez de monde pour voir cette équipe-là, pour aller voir les matchs. Mais cette option-là de développement et d'avoir une équipe pour avoir du développement était quelque chose qui était aimé des partisans ou du moins quelque chose... Il y a un ressentiment envers les partisans pour les joueurs qui ont fait partie du FC Montréal. Bon, dans les prochaines années, on va voir ce que cette expérience du Fury d'Ottawa va apporter. Je vais certainement suivre cette expérience du Fury d'Ottawa dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et j'espère, j'ai l'impression que les amateurs de l'Impact de Montréal vont aussi vouloir suivre ça. Il y a de plus en plus d'intérêt pour l'Impact et je crois que la prochaine frontière, c'est d'avoir de l'intérêt pour le futur du club et pas juste des succès ou des insuccès qu'ils ont sur le terrain en ce moment. Donc, c'est ce qui termine l'épisode 1 d'En français, s'il vous plaît. J'aimerais remercier The Link Newspaper d'avoir eu la gentillesse d'héberger cette émission et peut-être les émissions futures sur le blog Pressbox Hattrick qui héberge en ce moment mon podcast anglophone Pressbox Hattrick. Donc si vous voulez regarder tout ce qui se passe sur ça, les contenus anglophones, les contenus francophones, c'est sur la plateforme Pressbox Hattrick dans les blogs de The Link Newspaper que vous pouvez trouver sur thelinknewspaper.ca. Si vous voulez me contacter moi, sur Twitter, je suis à commercial Tristan Amour, @TristanAmour. Mes messages directs sont ouverts. Vous pouvez me tweeter pour que tout le monde puisse voir les questions. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et jusqu'à la prochaine enregistrement d'une émission, j'en ai pas vraiment une grosse idée en ce moment, mais je suis certain que ça sera plus tôt que plus tard. Donc, en attendant cet épisode 2, je vous souhaite une bonne année. Parce que moi, je souhaite bonne année jusqu'à la fin de janvier. Donc, je vous souhaite une bonne année. Et en attendant cet épisode 2, je vous dis à la prochaine.